c'est la guérilla. Nique les rumeurs, j'suis pas d'humeur. Si j'tire, tu meurs, à bon entendeur. Pas d'hypocrite, me fais pas la bise. Comme au Comoria, c'est la guérilla. Moi je bois pas, je fume pas, mais t'inquiète, j'ai des gros bras. Arrête de me faire le mac, après tu vas prendre des claques. Gentil, c'est pas un métier, tu le sais qu'on va pas rigoler. Moi je suis dur en amitié, mais frérot y'a pas de pitié. J'arrive avec ça DV, mon sport activé. J'suis toujours en feu avec le coéquipier. La zone à personne avec une paire de personnes. Mon cœur est perdu, on l'a remplacé par une boussole. Besoin de personne, tu peux parler Jacques et faire tes stories. Nous on en rit. Là j'suis vénère, gros gel XR, roue arrière, qu'est-ce que tu regardes travers. J'suis posé au stud, qu'avec des têtes cassées. Tout cas, tu connais la règle, les dents ça va te casser. Tu peux me croiser scotché, ouvert mal passé. Fais tourner le bangué, celui-là il a l'air bien tassé. Parano comme Tiro, le 6 point équité. Tu me fais le gros tequito, Engadjo d'Aquitaine. Sorrente, t'as glissé, t'as go, t'as quitté. On break, à la hit, oh my, j'ai kické. Arrivé dans le game en marche arrière, l'assassin j'y braque sa mère. Né pour tout baiser, micro j'vais le rafaler. Depuis petit on fait pas de manie, baiserai pas Tony comme Mani. T'as reconnu là c'est la bande ta doule, petite pute on s'en fout de tamboule. On fait ça pour s'amuser, des mecs trop nous signer. J'arrive d'éther, non non, pas de marche arrière. Dans la sacoche mon revolver et mon petit verre façon terre-terre. Un regard travers, direct te nique ta mère. Là j'suis posé, bouteille de rosé, grosse vue sur les palmiers. Je me fais toucher levier, et si t'es pas content, va te faire enculer. Ma belle villa, comme Pablo m'a douce tata. Que des passes comme le Barça. Le petit chante, l'homme branche pas. Pourtant, il a charclé plein de gorillas. Être respecté, ça s'invente pas. Très nerveux comme Gogeta. Mais Hernine avec ma Ninetta.